Quatrième partie. Chapitre 1. Willibald entra dans la chambre qui était celle de sa femme à Montparou. Il s'arrêta à quelque distance du lit laqué, garni d'une claire-soirée brodée sur lequel reposait Agathe, morte. Peu avant de tomber à l'eau, elle avait fait, selon sa coutume, un goûter copieux et la congestion l'avait saisie aussitôt. Elle semblait une statue de l'innocence endormie. Sa bouche avait le sourire ingénu qui lui était habituel. Le reflet des bougies allumées sur une petite table voisine se jouait sur le visage couleur d'ivoire qui semblait parfois se colorer fugitivement. Willibald, en tournant un peu la tête, vit le petit lit sur lequel était étendu le corps de son fils. On l'avait retrouvé au matin près des nénuphars. Un léger voile blanc couvrait son visage que le séjour dans l'eau avait un peu défiguré. Non loin de Willibald, quelqu'un bougea. Il aperçut alors Blanche, la femme de chambre de Judith, qui avait été la nurse d'Agathe. Elle venait de se lever du siège où elle était assise et faisait un pas vers le jeune comte. « Comment est-ce arrivé ? » dit-il à mi-voix. « Chez moi, on a pu me donner de détails. Ma sœur sait seulement que c'est au cours d'une promenade en canot. Des détails, nous n'en avons pas. » Blanche parlait d'une voix rauque qui semblait lui déchirer la gorge. Ses yeux glacés, que Willibald avait toujours trouvés désagréables à regarder, avaient une expression un peu hagarde. « Il n'y a que Mademoiselle Elisabeth qui pourrait en donner, mais elle est malade et l'on n'a pu encore l'interroger. On m'a dit que l'aide-jardinier était accouru au cri de ma cousine. Oui, mais il n'a pas vu comment avait eu lieu l'accident. » Quelque chose dans la voix de Blanche éveilla l'attention de Willibald. Il remarqua mieux à ce moment sa figure altérée, comme meurtrie par les larmes. Il savait, par Agathe, que cette femme avait une affection fanatique pour sa jeune maîtresse. Cette mort devait la bouleverser profondément. Se détournant, Willibald prit le goupillon posé sur la table et jeta de l'eau bénite sur la jeune morte souriante parmi les roses qui ornaient sa couche. Aucune émotion ne s'éveillait en lui. Du vivant d'Agathe, il avait dû faire appel à toutes ses forces spirituelles pour combattre ces sentiments qu'elle lui inspirait et qui ressemblaient si fort parfois à de la haine. Oui, il avait haï sa fausseté, sa perfide méchanceté. Maintenant, Agathe avait paru devant la justice suprême et elle commençait de n'être pour lui qu'un mauvais souvenir. Il s'approcha du lit de Thierry, écarta le voile et mit un baiser sur le front glacé. Se souvenait-il du mot dit un jour par lui à Élisabeth « J'aimerais mieux le voir mort s'il devait devenir un jour semblable à elle. » Et il était là, sans vie, cet enfant dont il avait accueilli la naissance avec une secrète joie, ce petit Thierry dont il avait vu avec désespoir s'accentuer chaque année la ressemblance physique et morale avec sa mère. Son vœu, sorti d'un cœur déchiré, avait été exaucé. Une porte s'ouvrit en face de lui, une femme vêtue de noir parut sur le seuil. « Vous voilà enfin, Willibald !» dit la voix de Julie. « Oui, la dépêche de ma mère ne m'a pas trouvé hier à Besançon, car j'étais déjà partie pour Poligny. J'ai appris le malheur en arrivant tout à l'heure chez moi. Venez, j'ai à vous parler !» Il entra à sa suite dans la pièce voisine, qui était un petit salon séparant les chambres de la mère et de la fille. Judith alla jusqu'à la fenêtre, puis se tourna vers lui et demanda brusquement « Peut-être n'avez-vous pas eu encore le temps de réfléchir à la singularité de cet accident, à son opportunité, dirais-je même ?»« La singularité, l'opportunité ?» Il a dévisagé avec une surprise mêlée de subite méfiance. Elle était pâle, avec des cernes bleuâtres sous les yeux. Mais ses yeux, d'une étrange nuance, luisaient comme ceux d'un fauve. « Oui, je le répète, l'opportunité. Cette promenade sur l'étang, Agathe n'en avait pas la moindre idée quand elle est partie avec Thierry pour se promener dans le parc. On la lui a suggéré. Puis, une fois sur l'eau, il a été facile de... » Willibald eut un haut-le-corps. « Qu'osez-vous insinuer là ?» Le sang montait à son visage sous la poussée de l'indignation. Je n'insinue pas, je dis franchement ce que je soupçonne. Ma pauvre Agathe avait deviné la jalousie d'Élisabeth, elle connaissait la haine que celle-ci lui portait. Elle en a été victime, j'en suis persuadée. C'est abominable, je vous défends de dire un mot de plus contre Élisabeth. Elle qui a essayé de les sauver d'après ce qu'on m'a dit. Qui a fait semblant, plus probablement. Benoît n'a pu voir comment l'accident s'est produit. Quand il est arrivé à l'étang, Élisabeth ramenait le corps d'Agathe, un corps sans vie. Elle lui a dit de l'emporter et qu'elle allait chercher Thierry qui avait disparu. Tout cela laisse un doute affreux. Ce qui est affreux, c'est que vous osiez relever une telle accusation contre Élisabeth. Pauvre Élisabeth, si noble, si droite. Naturellement, vous la défendez. Le sarcasme vibrait dans la voix de Judith. Ma pauvre chérie n'ignorait pas non plus vos sentiments à l'égard de votre cousine. Elle, qui vous aimait toujours, a souffert en silence. Néanmoins, elle n'aurait pas fait un geste pour nuire à Élisabeth. Mais celle-ci n'a pas eu ce scrupule. Elle a supprimé l'obstacle qui l'a séparée de vous et, en même temps, l'enfant qui aurait rappelé Agathe. Une main dure saisit le bras de Madame de Rudaine et le serra si fortement qu'elle jeta un cri. Willibald, la mâchoire crispée, les yeux brûlants de fureur, penchait sur elle, son visage maintenant blêmi. Vous êtes une misérable. Toujours, vous avez détesté votre belle-fille, vous l'avez calomniée, perfidement, comme vous savez si bien le faire. Maintenant, vous l'accusez d'être une meurtrière. La mesure est vraiment comble cette fois. Judith se dégagea en toisant son gendre avec une froide insolence. Comble ou non, je n'en garde pas moins mon opinion. Et je vous dis ceci, Willibald, ne pensez pas à épouser Élisabeth, jamais, car je ne laisserai pas faire un pareil mariage qui serait une injure à mon Agathe. Je voudrais bien savoir comment vous empêcheriez cela. En croisant brusquement les bras sur sa poitrine, Willibald la considérait avec un air de dur sarcasme. « Eh bien, vous le saurez !» Là-dessus, Judith passa devant son gendre et entra dans la chambre mortuaire. Willibald quitta le salon et descendit rapidement l'escalier pour gagner la galerie qui menait à la tour. Il n'avait même pas l'idée de parler à M. de Rudaine au sujet de l'inconcevable accusation portée par cette femme contre Élisabeth. De longue date, il savait qu'il n'était qu'un fantoche entre les mains de Judith. Cependant, il fallait qu'Élisabeth fût défendue contre la haineuse perfidie de sa belle-mère. En quittant Montparou, il irait trouver l'abbé Forgues et tous deux conviendraient de la conduite à tenir. Quoi qu'il fît pour maîtriser son bouleversement, Adélaïde eut une exclamation lorsque, ouvrant la porte de sa chambre à laquelle il avait frappé, elle vit son visage altéré. « Oh, c'est une terrible chose, n'est-ce pas? Tous deux, ce pauvre enfant ?»« Oui, terrible !» La voix de Willibald était un peu étranglée. « Comment va Élisabeth ?»« La fièvre nerveuse semble passer, mais elle a maintenant de la prostration. » En ce moment, elle sommeille. Catherine est près d'elle. Elle s'est jetée à l'eau pour essayer de les sauver, n'est-ce pas? Oui, la pauvre chérie. Dans sa fièvre, elle répétait « J'ai fait ce que j'ai pu ». Le docteur avait défendu de l'interroger, mais ce matin, d'elle-même, elle m'a raconté ce qui s'était passé. Agathe a insisté pour qu'elle leur fît faire ce tour sur l'étang que réclamait Thierry. Celui-ci, à un moment, s'est penché pour essayer d'atteindre un nénuphar. Agathe a voulu le retenir et, faisant pencher le canot par ce mouvement, est tombée avec lui. C'est alors qu'Élisabeth s'est jetée à l'eau, a saisi Agathe et a réussi à la ramener à la rive. Mais quand elle est revenue à l'endroit de l'accident, Thierry avait disparu. En fait, elle a risqué sa vie pour eux. Évidemment, car Agathe, en s'accrochant à elle, a failli paralyser ses mouvements. Si la congestion ne l'avait pas saisie aussitôt, il y aurait eu peut-être une troisième victime. La vieille demoiselle frissonna cette évocation. Une troisième victime, Élisabeth, dit lentement Willibald dont les lèvres tremblaient. Élisabeth, que... Il s'interrompit. Non, il était inutile d'inquiéter cette pauvre femme en lui apprenant l'odieuse manœuvre de Judith pour nuire à sa belle-fille. Cet affreux accident lui a donné une forte commotion nerveuse, reprit Adélaïde. Elle n'était déjà pas bien depuis quelques jours. Certainement, elle avait quelques soucis qu'elle voulait me cacher. Hier matin, elle m'avait annoncé que nous partirions d'ici avant le 15 août pour aller en Bretagne. Elle voulait partir d'ici, répéta Willibald. Cela vous étonne aussi? Elle était un peu bizarre, un peu nerveuse depuis quelques jours. C'est à la suite d'un entretien avec son père, venu la trouver ici, qu'elle a pris cette décision tout à fait imprévue. Ah, c'est à la suite de... Il pensa, il y a là encore quelques méchancetés de Judith. Enfin, conclut Adélaïde, je suis bien contente que M. Meldouin arrive après-demain, car cela lui changera un peu les idées. Il arrive après-demain, je serai heureux de faire sa connaissance. Horace Meldouin, le cousin dont Élisabeth vantait la droiture, l'esprit réfléchi, la subtile intelligence. Celui-là aussi pourrait être un défenseur. Catherine parut à ce moment, sortant de la chambre d'Élisabeth. En refermant doucement la porte, elle dit à mi-voix « Elle dort. Je reviendrai demain matin. Je la trouve vraiment mieux, mademoiselle. » « Oui, mais quelle peur j'ai eue quand elle est tombée là, hier. Heureusement, Florestine a entendu mes appels et est descendue pour m'aider. À nous deux, nous l'avons déshabillée, couchée et fait revenir à elle. Cette bonne Florestine m'a été d'un grand secours. » Willibald demanda « Son père n'est pas venu la voir ?»« Si, hier soir, je lui avais donné un calmant prescrit par le docteur et elle reposait à ce moment-là. Il m'a posé des questions auxquelles je n'ai pu répondre, puisqu'alors, Élisabeth ne m'avait encore rien dit sur la façon dont s'était produit l'accident. Je lui ai trouvé un air bizarre, comme gêné. « C'est un rude coup pour Madame de Rudaine, » dit Catherine. « Sa fille et ce pauvre petit Thierry, » si peu sympathique qu'elle soit, il faut cependant la plaindre. » Willibald ne fit pas écho à ces paroles de sa sœur. Ses lèvres eurent un pli d'amertume, tandis qu'il songeait. La plaindre, cette femme, qui ne pense qu'à se venger bassement sur Élisabeth, du mépris où celle-ci et moi tenions sa fausseté et celle de sa fille. « Ma pauvre Catherine, tu ne parleras plus ainsi quand tu sauras. »